Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 17h, c'est jeudi sur Fadjet. On se retrouve comme d'habitude pour un nouveau numéro de coup de cœur. Serge en votre compagnie, Serge aux manettes. Enfin, vous allez devoir me supporter pendant les 60 minutes à venir. Alors pour lui, ça marche bien, les belles demoiselles, les poupées s'y attachent. Il est là le bonheur pour les gens, il les rend dingue dans son pays des merveilles. Est-ce que vous avez... Devinez de qui il s'agissait. De toute façon, je l'avais annoncé la semaine dernière, donc il n'y a pas beaucoup de mystère. Il s'agit bien sûr cette semaine d'un coup de cœur, Christophe Maé. Grâce à son exubérant personnage de monsieur dans le spectacle musical Le Roi Soleil, Christophe Maé a su s'imposer dans le cœur du public. Avec des hits comme « On s'attache »,« C'est ma terre » ou encore « Tomber sous le charme », il est l'une des valeurs sûres de la chanson française. Il est né le 16 octobre 1975 à Carpentras, dans le Vaucluse, et il est influencé très tôt par son père musicien et amateur de jazz. Dès l'âge de 6 ans, il apprend à jouer du violon et de la batterie. Très sportif, il est passionné de tennis et de ski, mais il doit abandonner le sport à l'âge de 16 ans, suite à une maladie chronique qui l'immobilise. Il décide alors de perfectionner ses talents musicaux. C'est alors qu'il découvre la musique de Stevie Wonder qui lui donne envie d'apprendre l'harmonica. Il découvre également celle de Bob Marley, auquel il adressera plus tard une chanson, « Mon père spirituel », mais c'est à cette époque qu'il apprend à jouer de la guitare. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. What I know, I know. Tellement bon, tellement fort. Je pense qu'il était immortel. Tellement long, ce temps mort. Je me dis que ce monde est cruel. Trop d'histoires en une vie. Non. Trop lourd de nos jours. Tous ces gens qui réalisent aujourd'hui. Tous ces gens qui réalisent aujourd'hui. Le jour où je m'en vais. Écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Aujourd'hui, dans Coup de cœur, je vous propose, comme à la piscine, de vous immerger complètement dans l'univers de Christophe Maé. Et quand on est immergé dans son univers, bah, des fois, il faut des respirations musicales. C'était le cas avec cette chanson « Mon père spirituel » qu'il a tout spécialement composée par rapport à Bob Marley, son idole des débuts. « Is This Love », c'était le deuxième titre qu'on a écouté, mais ça, vous l'avez bien reconnu, c'est sûr. À l'origine de sa vie professionnelle, Christophe Maé est pâtissier, il faut le savoir. Il a d'ailleurs été reçu au diplôme de CAP pâtisserie et fait ses premiers pas dans la vie active dans la boulangerie de ses parents, à Carpentras bien sûr, avant d'abandonner cette carrière familiale. À 18 ans, il donne déjà des centaines de concerts et affirme son style entre reggae, soul et blues. Il se produit alors dans des bars de stations balnéaires, de sports d'hiver et participe à différents galas. Il assume la première partie d'artistes internationaux comme Cher ou encore Seal. Et à 22 ans, il participe à l'émission Graines de Star en interprétant la chanson de Jamiroquai, Virtual Insanity. En 2003, il interprète la chanson Back to Barnesville dans le film Mais qui a tué Pamela Rose de Cade et Olivier, bien sûr. Repéré par Olivier Schultes, qui n'est autre que le fils de Jean Schultes. Ce dernier le présente à Dovatia et il lui propose en 2005 de se présenter au casting de la comédie musicale Le Roi Soleil, où il sera engagé pour jouer le frère du roi, qui est lui-même interprété par Emmanuel Moire. Avec sa voix unique, sa sensibilité et son humour, il gagne les faveurs du public. La comédie musicale est un triomphe et ouvre à Christophe Maé les portes du succès. Il fait alors plusieurs rencontres, dont Zazie, qui lui écrit une chanson pour un futur album solo. Mais le succès de la tournée, qui lui vaudra d'ailleurs le Energy Music Award de la révélation de l'année 2006, l'empêche de mener à bien ses projets personnels. On écoute un extrait de cette comédie musicale. Ça marche. Certitude, tout est dans le style, la pose attitude. Mets des crabes dans un panier, c'est la société. Des panurges et des requins associés. Bras dessus et bras dessous, l'un sur l'autre dans la boue. Tant qu'on peut encore debout, monter les marches. Sans respect ni foi ni loi. Et ses habitudes, chacun dans la jungle a sa soif d'altitude. Des loups dans la bergerie, bestiale comédie. Depuis que l'immonde et monde sont unis, bras dessus et bras dessous, l'un sur l'autre dans la boue. Tant qu'on peut encore debout, monter les marches, sans respect ni foi ni loi. Encore debout, monter les marches, sans respect ni foi ni loi. Le 19 mars 2007, Christophe Maé sort son premier album solo intitulé « Mon paradis », inspiré par la Corse, une île qui le touche particulièrement, où il séjourne régulièrement. Et cet opus est porté par les singles « On s'attache »,« Parce qu'on sait jamais » ou encore « Belle demoiselle ». Véritable carton, l'album est certifié disque de diamant avec 1,6 million exemplaires vendus. Il commence cette année-là sa première tournée en solo. Elle a été commencée dans des petites villes de France, puis elle affiche très vite complet. Elle est suivie immédiatement d'une seconde tournée en 2008. Cette fois-ci dans les Zéniths. Il intégrera alors la troupe des Enfoirés, toujours en 2008, et remporte les Energy Music Awards de l'artiste masculin et de la chanson de l'année pour justement cette chanson « On s'attache », ainsi que la victoire de la musique de la révélation du public. On l'écoute, puis ce sera Stevie Wonder, « I just called to say ». Pas de style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurai toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je serai même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut. Jet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. We'll be right back. Parrain de la Star Academy numéro 8 avec Rihanna, c'est quand même pas rien. Christophe Maé publie en septembre 2008 un album live acoustique, comme à la maison, c'est le titre, qui se vend à plus de 500 000 exemplaires. Après avoir écrit un titre pour Johnny Hallyday, qui s'appelle Étreinte fatale et que nous allons écouter tout de suite, il assure en 2009 la première partie de la tournée Tour 66 du chanteur. Il remporte à nouveau début 2009 le prix de l'artiste masculin et de la chanson de l'année pour Belle Demoiselle au Energy Music Award. Il devient également parrain de l'association Un Sourire, Un Espoir pour la Vie de Pascal Olmeta, célèbre footballeur français. Alors il faut savoir que cette association est destinée à aider les enfants malades et à soutenir leur famille. Belle Demoiselle, c'est tout de suite, puis la chanson écrite pour Johnny, Étreinte fatale. À hauteur de mes yeux nus, la silhouette c'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la inaccessible comme une hirondelle. Je calcule dans ma tête, dopée à l'effet de plaire. C'est quand même la fête, le fantasme qui peut distraire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Merci mon Dieu, mais je tire un trait sur cet aveu. La belle demoiselle disparaît dans l'allée. Sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Cœur. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Le second album de Christophe Maé, On trace la route, est sorti en mars 2010. Le single Ding Ding Ding que nous écouterons en fin d'émission, suivi de J'ai laissé et je me lâche, lui assure un très beau succès avec 750 000 ventes quand même. En juin 2010, il entame une nouvelle tournée et donne 5 concerts complets au Zénith de Paris, à Bercy et à l'Olympia. En 2011, il part sur les routes de Suisse, d'Allemagne, de La Réunion. La même année, il est fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture de l'époque, qui était Frédéric Mitterrand. Le 26 septembre 2011, Christophe Maé dévoile le CD officiel de sa tournée. Et c'est un succès, et puis il se classe à la première place des charts dès la semaine de sa sortie. Après 2 ans d'absence, il signe son grand retour en 2013 avec un nouvel album, Je veux du bonheur, avec pour premier extrait Tombé sous le charme. Pour cet opus, le chanteur a été influencé par la Nouvelle-Orléans. Comme les précédents, il cartonne et se classe premier du top album la semaine de sa sortie, mais est également certifié triple platine dès la sortie du second single « Je veux du bonheur ». La sortie de ce fameux album est suivie d'une grande tournée encore dans toute la France qui le mène cette fois-ci notamment sur la scène du Palais des Sports. On écoute la poupée et puis j'ai parlé du fils de Jean Schultes. On va écouter le papa, vous rappelez-vous, Confidence pour Confidence bien sûr. Les yeux dans le vide, elle me regarde passer dans le creux de ses rides. Moi, j'ai trébuché, ça me fait mal en bide. Sa belle gueule cassée comme une étoile livide. À 2 doigts de tomber, elle tire sur un mégot. 100 fois rallumé quand je lui tends la main à travers la fumée. Et zéro pub, c'est aussi ça, Fadjet. Je me fous, fous de vous.

Alors le bonheur, eh bien, écoutez-moi, je l'ai trouvé le bonheur sur Fadjet. Il est sur Fadjet le jeudi, un jeudi sur deux de 21h à 22h. Alors je vous invite à aller découvrir si ce n'est pas déjà fait. Il s'appelle Olivier Georges et Georges et Olivier. Ce sont les Papy Pop qui papotent. Alors, quoi vous dire? Ben, c'est de la très bonne humeur garantie. Et leur spécificité, c'est qu'ils sont drôles. Ils sont très drôles eux-mêmes et non pas par le fait de raconter des blagues lourdes comme beaucoup le font. Écoutez, découvrez-les chaque un jeudi sur deux. Il faudrait qu'ils viennent tous les jeudis pour nous divertir. C'est sur Fadjet entre 21h et 22h, les Papy Pop. On revient à notre coup de cœur. Christophe Maé qui dévoile en octobre 2019 son cinquième album après 3 ans de pause médiatique et musicale. Ça s'appelle « La vie d'artiste », porté par le single « Les gens ». Ce cinquième opus marque le partage de la vie privée et de l'artiste avec ses fans. Cet album écrit entre la Corse, île de cœur de l'artiste, et le Canada, avec l'aide de son acolyte Paul Ecole, marque encore une fois une nouvelle étape dans la vie de ce dernier, beaucoup plus personnelle. Il y fait participer ses enfants, qui s'appellent Jules et Marcel, ainsi que son épouse Nadège Saron. Composé de 12 titre, La vie d'artiste, c'est un album qui est plein d'espoir. Je le cite, j'aborde des sujets assez profonds, mais il y a toujours de l'espoir dans ce que je raconte. Je suis un éternel optimiste. Voilà ce qu'il a livré à certains journalistes. Nous allons écouter Les gens, une chanson qui évoque toutes les personnes qui partagent son quotidien, comme sa femme, ses fils, ses amis et ses collaborateurs, mais aussi toutes celles qui restent dans l'ombre. Y a des gens du voyage, y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Y a des gens divers et y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y a des gens de la haute et y a des gens d'en bas. Y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Y a des gens Valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y a des gens de la nuit, y a des gens du matin, des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Y a des gens qui saoulent et des gens sous l'agent, des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et y a des gens changeants et y a des gens stables, des affligeants et des remarquables. Des gens de l'est, des gens à l'ouest, des gens qui vont, d'autres qui restent. Et y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Et y a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Y a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Y a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Y a des gens gays, des sergents. Et dans tout ça, et dans tout ça. Les plus belles chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. 3 ans après La vie d'artiste et la réédition pour les 15 ans de l'album Mon Paradis en 2022, Christophe Maé revient le 17 mars dernier avec un nouvel opus qui s'appelle C'est drôle, la vie. Il a officialisé son grand retour dans les bacs avec cette sortie du 7e album. Il a notamment dévoilé la couverture en amont sur les réseaux sociaux. Ses quelques 186 000 abonnés sur Instagram ont ainsi pu découvrir un jeune garçon aux cheveux mi-longs blonds, posant assis et pieds nus. Certains ont cru y voir une photo d'enfance de Christophe May, mais il s'agit en fait de son plus jeune fils, Marcel. Pour ce projet, l'artiste a eu un coup de foudre pour le Cap-Vert après avoir écouté une playlist consacrée à Cesaria Evora et d'autres artistes locaux. Il avait d'ailleurs confié avoir été séduit par l'archipel lors d'un voyage. Cette inspiration se confirme avec les titres déjà sortis, Trop jeune et Pays des merveilles, en collaboration avec Cezanne, chanteuse rencontrée sur place. Christophe May l'annonce comme un album solaire sur le temps qui passe et l'urgence d'en profiter. On va réécouter, on l'a déjà passé dans Coup de cœur Pays des Merveilles, puis un duo Amadou et Mariam Sabali, puisqu'ils chantent, ils partagent un titre sur ce nouvel album de Christophe Maé. J'ai trouvé le pays des merveilles. Fadjet, le festival de toutes les musiques. Thank you. Encore quelques mots avant de retrouver Christophe Maé en public. Il est en couple avec Nadège Saron. Ils ont deux fils, Jules, né le 11 mars 2008, et Marcel, né le 16 août 2013. Ils se sont mariés civilement le 29 juin 2017 en Corse du Sud, à la mairie de Porto Vecchio, et le 1er juillet 2017, cette fois-ci religieusement. Alors, dernière info le concernant, après la Suisse, la Belgique, le sud de la France, Caen, Lyon, Dijon, Christophe Maé sera au Zénith de Strasbourg, plus proche de nous, le vendredi 13 octobre prochain, et le lendemain au Galaxy d'Amnéville. C'était tout pour aujourd'hui. Sachez que, comme la plupart des émissions de Fadjet, vous pouvez nous retrouver sur Internet juste après la diffusion sur l'antenne. Fadjet sur Internet, www.fadjet.net. www.fadjet.net. Je sais qu'on vient pas en arrière et que tu ne reviendras pas non plus. Mais si tu changes d'avis quand même, je te jure que tu ne serais pas déçu. Je ferai des efforts vestimentaires, je rentrerai à l'heure prévue. On passerait les dimanches à la mer comme on faisait au tout début. Alors, et laisse-moi faire, oui, oui, je saurai faire. Nous allons refermer notre collection, notre livre, une fois de plus, mais pour se retrouver la semaine prochaine, bien sûr. Pour info, on en est à peu près à 140 artistes que nous avons mis en lumière dans notre émission. C'est pas mal. On fait des grands écarts de genre, hein, vous l'avez remarqué. Et un des prochains coups de cœur, ce sera Mireille Mathieu. Je vous l'annonce dès maintenant. Allez, je vous souhaite une excellente semaine, de préférence à l'écoute des programmes de Fadjet, bien sûr. Portez-vous bien, pas de bêtises. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Allez, salut, bye bye.